jeu à tout le monde, c'est moi. Celui qui fait des tubes un peu tous les mois. Mais celle-là, le plus spécial, c'est Mosso Warland. Chaque fois, il entend ça, problème. Ou bien ce tiers prend appui, il casse pas les cuits. Gardonne de si madame, il voit pas. Ah, moi même, nana la formule chimique, comme c'est les frères dynamiques. Mais règle problème, même c'était délicat. Donc, allez hop, Freddy et moi ça. Allez hop, roulement de doom doom, chérie. Allez hop, Orland, notre banal est pas là. Dis un petit freestyle, tu ne bonne jaloux, c'est pas. Allez hop, Freddy et moi ça. Roulement de doom doom, chérie. Allez hop, Orland, notre banal est pas là. Dis un petit freestyle, tu ne bonne jaloux, c'est pas. Position cambrée, fesse bombée, parée pour trembler. Première dauphine, yes. Miss boom boom, tac tac, tranquille. Tac les gars pour baver, oh t'es gâte ça. Garde à l'IGSA, Rami en ton a de mouni à des pas. Tantine comme gars, tout y admire, oh lion au top des top, prends ça pour toi. Allez hop, Freddy et moi ça. Allez hop, roulement de doom doom, chérie. Allez hop, oh la note banale est pas là. Dis un petit freestyle, toute le bonne jalouse est pas. Allez hop, Freddy et moi ça. Allez hop, roulement de doom doom, chérie. Allez hop, oh la note banale est pas là. Dis un petit freestyle, toute le bonne jalouse est pas. Baisse doucement, miss, fais ça lentement. Là les gars, va tout me faire, ma part amène l'autre mélisse. Baisse doucement, miss, fais ça lentement. Oh, tu es que les plus allés, choqués sont béadélis. Rien qu'un seul, l'officiel, Mr. Ramsey criminel. Quand y'a privé, si pour Dieu, mec, me dirait qu'il gagne la zèle. Wouh, tellement les belles, c'est ce gars la coupe de belle. Après qu'elle de bras, n'a des trois, ça, ça doit lire. Allez hop, Freddy et moi ça. Allez hop, roulement de doom doom, chérie. Allez hop, all on, mais pas n'allez pas. Là, dis un petit freestyle, toute le bonne jalouse est pas. Allez hop, Freddy et moi ça. Allez hop, roulement de doom doom, chérie. Allez hop, all on, mais pas n'allez pas. Là, dis un petit freestyle, toute le bonne jalouse est pas. Fin. Allez hop, remix Madi 974. Alpha Empire.